Voici le bulletin de 17h30, enregistré le vendredi 8 février 2013 et valable jusqu'au dimanche 17 février sur le département de la Seine-et-Marne.